Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer cette première semaine de l'étude de l'Épître aux Philippiens en étudiant le texte du chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 26. Notre bon Père du ciel, on se tourne encore vers toi, notre Créateur. Notre raison de vivre. La raison pour laquelle on a été créé, c'est toi. La raison pour laquelle nous sommes ici-bas, c'est toi. La raison que nous serons dans l'éternité, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, c'est toi. C'est toujours toi, c'est rien que toi. Il n'y a pas personne d'autre que toi. Ô notre Dieu, notre nature humaine tellement égoïste voudrait que tu sois là pour nous. Mais tu nous as créés pour toi, pour ta gloire. Et c'est ta gloire qui fait notre joie. Ça, c'est la vérité. Aide-nous toujours à mieux comprendre cela, Seigneur. Aide-nous toujours à penser dans ce sens-là. Mais on sait que ça dépend de toi, ça dépend de ton Esprit Saint en nous. Au nom de Jésus. Donc, on a vu une introduction. Ensuite, on a vu Paul rend grâce pour l'œuvre de Dieu dans les croyants. On a vu la prière de Paul qui dit « Augmente leur amour en pleine connaissance et en pleine intelligence, afin que quand tu vas revenir, Seigneur Jésus, ils soient purs et irréprochables, remplis du feu de la justice qui est en Jésus-Christ. » Ensuite, on a vu que Paul ne vivait que pour une chose, pour le progrès de l'Évangile. Le progrès de l'Évangile. C'est ça qui est important, le progrès de l'Évangile. Et Paul dit, peu importe, je suis en prison, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore parce que cela a occasionné un progrès pour l'Évangile. Et ce matin, on va voir que Paul continue dans la même pensée. Paul a seulement qu'un désir, c'est la gloire de Dieu. Il ne faut pas penser là, que c'est Paul est spécial parce que son désir, c'est la gloire de Dieu. Non, c'est le désir de tous les enfants de Dieu, de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, tous ceux qui ont été régénérés, tous ceux qui ont la vie éternelle en eux, ont un désir, c'est la gloire de Dieu. Et c'est ce que Paul avait aussi dans sa vie. Donc, nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je serai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Paul a un désir, c'est la gloire de Jésus-Christ. Et tous ces autres idées personnelles, ses préférences personnelles, je devrais appeler ça de même, pour faire une différence avec son désir de la gloire de Dieu, toutes ses préférences dans la vie sont assujetties à ce désir plus fort en lui, poussé par l'Esprit de Dieu, de glorifier son Dieu, de glorifier son Sauveur Jésus-Christ. Et il dit, au verset 19 et 20, « Je sais que grâce à vos prières, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, selon ma ferme attente et mon espérance. L'espérance, ce n'est jamais quelque chose qu'on aimerait qu'arrive, mais une certitude de quelque chose qui va arriver. Je n'aurai honte de rien. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir me chercher, je n'aurai honte de rien. Et il dit, Christ sera glorifié, maintenant comme toujours, dans la vie, dans la mort. J'ai une conviction profonde que je n'aurai honte de rien et que Christ va être glorifié dans ma vie. Parce que pour lui, avoir honte, ce serait de ne plus glorifier Jésus-Christ, de ne pas donner gloire à Christ pour toute chose dans sa vie. Mais il dit, je suis convaincu que je vive ou que je meurs, que je reste ici ou que je sois en prison ou que je retourne parmi vous, je n'aurai honte de rien. Pourquoi? Parce que je désire la gloire de Christ. Ce qui est important pour moi, tant aussi longtemps que je désire la gloire de Christ, tant aussi longtemps que c'est ma raison d'être, je sais que je n'aurai honte de rien. Ça, c'est important qu'on comprenne, frère et sœur. Que ça, c'est le seul but, l'unique but de la vie des chrétiens, la gloire de Dieu, la gloire de Christ. Si je vis, c'est pour la gloire de Christ. Si je meurs, c'est pour la gloire de Christ, donc je n'aurai honte de rien. Je devrais avoir honte quand je ne vis plus, pas pour la gloire de Christ. Quand je voudrais utiliser Christ pour mes propres fins. Quand je voudrais utiliser Christ ou Dieu pour ma propre gloire. Comme des fois on voit, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à gagner la guerre. On voit ça, hein? Aide-nous, Seigneur, à faire ceci. On se sert de Dieu, on se sert de Christ pour sa propre gloire, pour son propre bien-être. Mais ça, Paul dit, j'aurais honte de penser comme ça. Mais je n'ai pas honte d'être en prison parce que je suis là pour la gloire de Christ. Je n'aurais pas honte d'en sortir non plus parce que je le ferai pour la gloire de Christ aussi. Donc, il dit, ce qui est important, c'est cela. Il dit au verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ma raison d'être, c'est Christ. La raison de ma vie, c'est Christ. C'est important, frères et sœurs, qu'on s'arrête là-dessus, qu'on pense à cela, qu'on médite là-dessus. Hey, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis chrétien? Parce que je veux aller au ciel, mais que je meurs? Parce que j'ai peur de l'enfer? Christ est ma vie. J'ai été sauvé pour Christ. Je vis pour Christ. Ici, maintenant et pour l'éternité. Même si je meurs, c'est un gain parce que je vais continuer à vivre pour Christ. Je vais continuer à glorifier pour Christ. Puis encore mieux, je pourrais dire, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, que je le verrai face à face. Mais il dit, je ne sais pas. Si tu tiens pour mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je ne sais pas si je dois rester ici ou m'en aller. J'aimerais bien m'en aller. D'être avec Christ, c'est de loin le meilleur. Mourir, c'est un gain. Mourir, c'est de monter une coche. On ne perd rien. On ne perd rien, on gagne. C'est un gain, mourir. Oh, notre nature humaine se bat pour vivre. Mais quand la mort est devant nous, en tant que chrétien, on la voit comme un gain. On part, puis on s'en va encore glorifier le Seigneur d'une façon encore plus grande, plus merveilleuse, avec une connaissance plus grande, avec un amour plus grand, avec une intelligence pleine de sa présence. Mais si je dois demeurer ici, c'est correct. Il dit au verset 4, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, il dit à cause de vous. C'est-tu parce qu'il met Christ, il met les Philippiens plus importants que Christ? Mais j'aimerais mieux m'en aller et puis d'être avec Christ, je ferai sa gloire dans les cieux, mais c'est plus important que je. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais à cause de vous, je vais demeurer dans la chair. Il est nécessaire. Pourquoi? Il dit au verset 25, je suis persuadé que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Voilà, il dit, je vais rester ici parce que je veux être participant à votre avancement et à votre joie dans la foi. Je veux être un de ceux que Dieu va utiliser pour augmenter votre amour, comme on a vu hier, en pleine connaissance et en pleine intelligence. Donc, la raison pour laquelle il veut rester, ce n'est pas parce qu'il veut consoler les Philippiens, parce qu'il ne veut pas qu'ils soient tristes, en tout cas, peu importe. Le but, c'est qu'il dit, je veux servir à votre avancement et à votre joie dans la foi. Pourquoi qu'il veut ça? Il dit au verset 25, 26, « Afin que à mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Donc, encore une fois, Paul désire la gloire de Dieu. Donc, il dit, « Si je reste avec vous, je vais servir à votre avancement, je vais servir à votre croissance, je vais servir à l'augmentation de l'amour que vous avez pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Ça va augmenter votre joie, cette joie dans la foi. Et vous, quand je vais arriver parmi vous, vous allez avoir un sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc, vous allez vous glorifier encore plus en Christ, par Christ, à la gloire de Christ. Voyez-vous, hier, on avait parlé que Paul a dit, tout ce qui t'importe, c'est que le progrès de l'Évangile, c'est que le royaume de Dieu avance. Si pour cela, je dois être en prison, c'est correct. Si je dois être dans un château, c'est correct. Si je dois être persécuté, c'est correct. Si je dois être libre, c'est correct. Et il dit, mais ce qui est important, c'est de comprendre que tout concourt au progrès de l'Évangile de Dieu. Aujourd'hui, il nous parle, il dit, ce qui est important pour moi, c'est que Christ soit glorifié. C'est la même vérité, là. Donc, il dit, moi, là, je ne veux pas avoir honte de rien. Ni maintenant, ni mais que je meurs, je ne veux pas avoir honte de rien. Puis il dit, je sais que je n'aurai honte de rien, parce que le but qui est dans ma vie, c'est la gloire de Christ. C'est la gloire de Dieu. C'est le progrès de l'Évangile. C'est ça qui est important pour moi. Donc, il dit, que je vive, je vais vivre pour Christ. Que je meurs, je vais mourir pour Christ. Si je pars, je vais me réjouir et je vais glorifier Christ dans les cieux, dans sa présence. Si je reste, je vais vous aider à grandir dans la foi. Je vais vous aider à augmenter votre foi, et vous autres aussi. Vous allez vous réjouir, et vous autres aussi, vous allez glorifier le Seigneur, et vous autres aussi, vous allez dire, « Ma vie, c'est Christ, et la mort m'est un gain. » Je veux vous aider à comprendre les mêmes choses que moi, pour qu'ensemble, on puisse glorifier notre Dieu. Pour qu'ensemble, on peut choisir les choses les meilleures pour qu'ensemble, on soit pur et irréprochable au jour de Jésus-Christ. Pour qu'ensemble, on soit rempli du fruit de la justice qui est en Jésus-Christ. Pour qu'ensemble, on soit des instruments dans les mains de notre Dieu pour la gloire de son nom, pour la gloire de son Fils Jésus. Oh, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, que c'est donc beau, que c'est donc beau, que c'est donc beau. Tout ça, ça vient d'un homme qui est en prison. Oh, je ne vous souhaite tellement pas que vous dites, « Oh, Paul était donc un bon chrétien. » Si vous dites ça, je vous en veux presque. Mais on devrait tout de suite avoir comme instinct, comme réaction, je rends grâce à mon Dieu que Paul a pu vivre ça en prison. Je rends grâce à mon Dieu que mon Dieu a aidé Paul pendant qu'il était en prison à nous écrire cela et à vivre ça. Et nous devrions dire, j'ai la ferme conviction, j'ai la ferme assurance qu'il fait la même chose en moi. Et on devrait dire avec l'apôtre Paul, j'ai une ferme assurance que je n'aurai honte de rien. Car Christ est ma vie. Peu importe dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Dans quelle situation est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Quelle situation est-ce que tu te trouves à ton niveau, dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie de parent, dans ta vie d'église? Peu importe où est-ce que tu te trouves, dans quelle situation que Dieu veut que tu sois. J'ai la ferme assurance que je n'aurai honte de rien. Parce que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Peu importe ce que Dieu veut que dans ma vie. Ce qui est important, c'est que le jour qu'il va venir me chercher, ou le jour qu'il va revenir chercher son Église, je sois trouvé par lui, pur, irréprochable, rempli du fruit de sa justice, à la gloire de son nom, à la louange de son nom. Maintenant et pour l'éternité, c'est lui que nous voulons glorifier. Notre bon Père du ciel, quelle belle vérité! Quelle belle vérité! Que l'on vive, que l'on meure, qu'on soit riche, que l'on soit pauvre, qu'on soit malade ou en santé, nous vivons pour toi. Nous sommes là pour ta gloire. Seigneur, prends-nous, utilise-nous comme tu voudras, là où tu voudras, avec qui tu voudras, de la manière que tu voudras. Tu es notre vie. Sans toi, nous serions morts. Morts dans nos péchés, morts pour l'éternité. Mais tu es notre vie maintenant. Nous voulons servir au progrès de ton royaume. Au nom de Jésus.